troisième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux épidémies et aux réactions des sociétés quand elles surviennent. Ce matin, nous vous proposons un débat sur l'apport de l'archéologie et de la paléobiologie à la compréhension des épidémies du passé. Lundi, Anne-Marie Moulin nous a expliqué comment les épidémies du passé nous étaient utiles pour comprendre celles qui interviennent aujourd'hui. Hier, nous nous sommes attachés au cas particulier de la grippe dite espagnole en 1918-1919, il y a un siècle. Et aujourd'hui, dans le débat, nous allons nous approcher des différents cas de peste, qu'il s'agisse de la grande peste du milieu du XIVe siècle ou bien encore de celle de 1720 qui sera également, il faut le noter, au cœur du documentaire de demain qui conclura notre série sur les épidémies. Nous le ferons en compagnie de Séverine Niattard, qui co-animera cette émission avec nous et qui a préparé cette semaine avec nous, avec Michel Drancourt. Il sera en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Aix, que nous remercions de l'y avoir accueilli. Il est chercheur en paléomicrobiologie et médecin au centre hospitalier de Marseille. Stéphane Zorzis est également avec nous au téléphone. Il est ingénieur de recherche au service d'archéologie de la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur et il est chercheur associé au CNRS, à l'unité d'anthropologie, adaptabilité biologique et culturelle de Marseille. Il est auteur d'une thèse sur les archives biologiques et archives historiques de la peste qui s'est déclenchée donc à Martigues en 1720-1721. Et également avec nous, Sacha Kaki, il est chercheur en anthropologie biologique, il est à l'université de Durham, il est auteur d'une thèse qu'il a soutenue en 2016 sur une analyse comparée des sépultures de peste à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Bonjour Séverine Niattard. Bonjour. Et il faut dire avec vous Séverine Niattard que nous sommes entrés dans un domaine que nous ne connaissons pas beaucoup puisque nous sommes plutôt habitués aux textes qu'à l'archéologie et surtout à la médecine liée à ces questions d'archéologie. Nous allons en parler avec nos trois invités ce matin. Avec vous Michel Drancourt, est-ce qu'il est facile de se débrouiller quand on est médecin comme vous pour pouvoir convaincre les historiens ou les historiennes de l'utilité d'une discipline comme la vôtre, la paléomicrobiologie? Microbiologie, justement, pour comprendre les épidémies du passé, Michel Drancourt. Oui, c'est d'autant plus facile de convaincre que la plupart du temps, ce sont les anthropologues, archéologues ou historiens qui sont demandeurs, en réalité, des travaux de paléomicrobiologie. La paléomicrobiologie, ça consiste simplement, finalement, à faire le diagnostic des maladies infectieuses. C'est notre cœur de métier avec Didier Raoult à l'Institut Hospitalo-Universitaire à Marseille. Et donc, simplement, ce diagnostic, au lieu de le faire sur des patients vivant que l'on a en face de nous, eh bien on l'applique là à des restes humains, à des squelettes, plus particulièrement, comme je leur dirais, à la pulpe qui est contenue à l'intérieur des dents. Stéphane Zorzis, vous êtes archéologue et vous avez travaillé en particulier sur la peste qui se déclenche dans la région marseillaise en 1720-1721, qui sera d'ailleurs au cœur du documentaire de Séverine Niattard et Marie-Laure Ciboulet demain dans la Fabrique de l'Histoire. Et vous avez donc utilisé à la fois vos compétences d'archéologue, mais aussi vos compétences d'historien en comparant les sources historiques classiques, pourrait-on dire, celles des textes, sur une peste qui est fort bien documentée par ailleurs par les textes, avec ce que vous trouviez en tant qu'archéologue sur le terrain dans ce qu'on appelle des sépultures de catastrophes. Il peut être d'ailleurs expliquer à nos auditeurs ce que sont ces sépultures de catastrophes. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on entend par sépulture de catastrophe, en fait, ce sont des phénomènes d'inhumation en masse, donc de décédés en grand nombre qui sont déposés de façon fruste dans des grandes structures destinées à se débarrasser des corps. Mmh. Et donc, ce sont des pratiques qui sont contradictoires avec ce qui relève de l'ordre funéraire et des conventions funéraires de l'époque. Et effectivement, donc depuis environ 25 ans, aux travaux des historiens, hein, aux chroniqueurs qui utilisaient traditionnellement les sources écrites pour documenter ces épisodes de l'histoire, se sont ajoutés les travaux des archéo-anthropologues sur ce type de site, hein, de sépulture. Et donc ce que nous cherchons notamment à mettre en évidence, c'est à travers donc ce type de pratique mortuaire, est-ce qu'on peut retrouver le degré d'organisation, au contraire de désorganisation d'une communauté, d'une société, par rapport à un événement qui la dépasse très largement. Sacha Kaki, vous êtes également avec nous au téléphone depuis Durham, où vous enseignez, vous êtes chercheur en anthropologie biologique. Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'anthropologie biologique et en quoi c'est un apport justement à la connaissance des sociétés du passé, et en particulier lors des grandes épidémies comme les épidémies de peste de la fin du Moyen Âge? Oui, donc l'anthropologie biologique, en fait, c'est l'étude biologique des restes humains qui vont être retrouvés en contexte archéologique. Et ça va consister en fait à restituer leurs principales caractéristiques biologiques, telles que l'âge, le sexe, certaines informations sur leur état de santé préexistant, sur leur alimentation et un certain nombre d'autres informations. Ces données sont particulièrement importantes lorsqu'on s'intéresse aux épidémies, puisque les différentes maladies en fait n'ont pas une sélectivité identique pour tous les groupes de la population, et étudier les caractéristiques biologiques des individus inhumés dans ces sépultures de catastrophes va permettre de déterminer, d'avoir de premières hypothèses sur le type d'épidémie incriminée et sur les facteurs qui ont contribué à la mortalité dans ces contextes de crise. Parce que, bien évidemment, on n'est pas dans le cas de la grippe espagnole, extrêmement bien documentée, même si on a compris hier qu'il y avait beaucoup de trous dans la documentation, mais cette grippe espagnole intervient dans un contexte sanitaire du début du XXe siècle, avec beaucoup de questions liées à l'hygiène et à l'hygiénisme. Ça n'est pas le cas pour les périodes plus anciennes, comme celles sur lesquelles vous avez travaillé, c'est-à-dire la fin du Moyen Âge ou le début de l'époque moderne, Sacha Kaki. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on dispose de peu de sources médicales fiables pour ces périodes, pour le 14e, 15e siècle. Donc finalement, les informations qu'on va pouvoir restituer sur l'état de santé préexistant, par exemple, de ces populations, elles vont être principalement liées à notre aptitude d'étudier les caractéristiques biologiques de ces squelettes retrouvés dans ces contextes de crise. Donc évidemment, c'est d'une importance capitale pour restituer ces caractéristiques biologiques inconnues par ces sources historiques. Séverine Latia. Mais dans un premier temps, Sacha Kaki ou Stéphane Sortis, il faut, vous le dites, chacun dans vos articles et dans vos travaux, il faut identifier finalement ces lieux d'abord de sépulture qui ne sont pas justement forcément indiqués dans des sources écrites qui peuvent être lacunaires. Il faut, et qui ne sont pas généralement dans les cimetières, les lieux de cimetière classiques, qui eux peuvent par ailleurs être présents dans des documents écrits. Alors voilà, identifier dans certains villages, espaces, les endroits où ont été justement enterrés ces morts épidémiques. Stéphane Zorzis. Alors effectivement, et il y a plusieurs cas de figure. Donc dans le cas de l'épidémie de 1720, les sites qui ont été fouillés donc dans le sud-est de la France ont été à la suite de découvertes fortuites, je devrais dire de redécouvertes, puisque lorsqu'on s'est ensuite repenché dans les documents d'archives, on avait quelques mentions qui pouvaient permettre de nous orienter vers certains secteurs de la ville, mais évidemment ce sont des lieux qui n'ont laissé aucune marque dans la topographie actuelle, donc c'est une topographie qui est évidemment changeante, qui a beaucoup évolué. Et donc c'est à l'issue de ces redécouvertes fortuites qu'on a pu intervenir et étudier ces sites-là. Mais j'ai un autre exemple en tête. Alors là, c'est pas pour 1720, mais pour une épidémie du XVIIe siècle, toujours dans le sud-est de la France, sur lesquels on est intervenu, c'est dans les Hautes-Alpes, donc à Puy-Saint-Pierre, donc un petit village près de Briançon, il y a une mémoire qui a été entretenue. C'est tout à fait curieux, d'un lieu de sépulture à l'écart du village, un lieu de sépulture de pestiférés qui était même lié à une épidémie particulière, 1729-1730, et cette mémoire était entretenue par notamment l'installation d'une croix qui a été entretenue au cours des décennies et jusqu'aux années 50 par un pèlerinage qui se déroulait sur ce lieu. Et ce qui est effectivement, lorsqu'on s'est intéressé à ce lieu et donc on l'a investi du point de vue de l'archéologie, on a fait la démonstration, on a montré que c'était effectivement un ensemble funéraire, et un ensemble funéraire particulier avec des pratiques funéraires particulière. Michel Drancourt, il y a d'autres difficultés qui sont liées à la connaissance de ces épidémies du passé. C'est que, évidemment, nos prédécesseurs, nos ancêtres, quels qu'ils soient, ne nommaient pas de la même manière ce que nous savons être, je ne sais pas, une épidémie de choléra ou une épidémie de peste. Et donc, il y a toujours des doutes sur le type d'épidémie qui a pu frapper, par exemple, les pays européens dans lesquels nous nous situons à un moment donné. Et il s'agit aussi pour vous, en tant que chercheur, en tant que médecin, avec d'autres, de comprendre si le fait qu'on appelle, par exemple, telle épidémie une épidémie de peste, eh bien, c'est bien une épidémie de peste qui a frappé l'Europe au milieu du XIVe siècle. Oui, vous avez raison. Il y a deux difficultés de mon point de vue. Il y a la difficulté qui est liée aux mots, au lexique, et donc il y a finalement un travail de traduction en français moderne ou en anglais moderne des mots anciens et des phrases anciennes. Et puis la deuxième difficulté dans ce domaine, c'est dans le fond ce qu'on appelle la nosologie, c'est-à-dire la capacité des médecins, par exemple, à distinguer différentes maladies les unes des autres. Je donne un exemple, le typhus et la fièvre typhoïde, dont vous voyez que les mots sont pratiquement le même, typhus, typhoïde. On sait aujourd'hui, depuis longtemps maintenant, qu'il s'agit bien de deux maladies infectieuses complètement différentes, qui sont dues à deux microbes complètement différents. Il n'en demeure pas moins que ces deux maladies donnant un état de coma, c'est le typhos, racine grecque, eh bien ces deux maladies ont pu être confondues jusqu'à un passé assez récent finalement. Et donc tout le travail que nous faisons nous au laboratoire, eh bien encore une fois, c'est de documenter de façon certaine, fiable, le micro-organisme, le microbe responsable de l'épidémie qui a été observé par nos collègues en anthropologie, qui a été décrit par ailleurs par nos collègues en histoire, avec des moyens appropriés au laboratoire. Et si, par exemple, effectivement, on reprend cet exemple de la peste qui va être l'exemple commun à vous trois en tant qu'invité de cette émission d'aujourd'hui, eh bien, on se pose des questions. Est-ce que la peste antonine au IIe siècle de notre ère était bien une peste? Est-ce que la peste de Justinien au 7e siècle était bien une peste? Tout cela pose évidemment des questions, puisque elles sont décrites, ces maladies, ces épidémies. On décrit le nombre de morts, la rapidité de leur décès, mais il est toujours un peu compliqué de savoir s'il s'agit bien effectivement d'une peste comme on a connu en 1348 ou comme on a connu en 1720 dans la région de Marseille, Michel Drancourt. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, on travaille, vous avez bien compris, il y a trois champs disciplinaires qui travaillent en même temps, l'histoire, l'anthropologie et maladies infectieuses, microbiologie, pour ce qui me concerne au laboratoire. Et donc, tout notre travail, encore une fois, c'est à partir des échantillons qui nous ont été confiés par les anthropologues de pouvoir engager des moyens de laboratoire pour documenter le micro-organisme. En deux mots, ce que l'on a inventé, d'ailleurs, à Marseille, avec nos collègues marseillais, c'est d'utiliser la pulpe qui est contenue à l'intérieur des dents et de se rendre compte que finalement, cette pulpe contenue dans les dents correspond à une petite goutte de sang, si vous voulez. Donc vous avez à ce moment-là une petite goutte de sang exactement au moment du décès de la personne. Et à partir de là, eh bien, on peut engager des moyens de laboratoire qui sont des moyens finalement assez banals, que l'on utilise tous les jours pour faire du diagnostic et qui nous permettent donc de prouver, dans les exemples que vous avez cités, qu'il s'agit bien d'une bactérie, Yersinia pestis, qui était bien présente dans le sang de cet individu au moment de son décès, et dont on sait par ailleurs que Yersinia pestis, qui est l'agent de la peste, effectivement cause un décès par septicémie. Et cela, on le sait parce que justement, la dent protège cette pulpe dentaire, et donc, étant protégée, ce milieu, pourrait-on dire, biologique, permet aux chercheurs que vous êtes de découvrir justement les traces de Yersinia pestis et donc du passage de la peste dans le corps de cet individu. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Actuellement, aujourd'hui, pour réaliser le diagnostic d'une maladie infectieuse chez une personne, eh bien, la plupart du temps, on va prélever quelques gouttes de sang chez cette personne et puis utiliser différents moyens de laboratoire. Et dans le fond, on réalise la même chose. Là, on a compris au cours du temps, au cours des dizaines d'années qui se sont écoulées, que encore une fois, cette pulpe était l'équivalent d'une petite goutte de sang. Et donc, à partir de là, à partir de là, si vous voulez, au niveau du laboratoire de microbiologie, il y a en pratique deux approches que l'on peut avoir schématiquement. Une première approche qui est de chercher un microbe précis. Par exemple, lorsque l'on a travaillé avec les équipes à Bordeaux, les équipes d'anthropologie à Bordeaux et à Marseille, qui sont représentées là dans votre émission, eh bien, nos collègues nous ont dit, voilà, il faut montrer qu'il s'agit de la peste. Donc, il y a une question précise et donc on a engagé des moyens pour montrer qu'effectivement, il y avait bien la bactérie Yersinia pestis dans dans la pulpe dentaire, c'est-à-dire dans le sang de l'individu. Ça, c'est une première approche, et donc on a une panoplie de techniques qui nous permettent de détecter soit l'agent de la peste, l'agent du typhus, et ainsi de suite. Et puis la deuxième approche qui est extrêmement importante à concevoir, c'est qu'on commence à disposer d'outils qui sont des outils ouverts, je dirais. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas a priori le micro-organisme que l'on doit chercher, mais on a des techniques qui nous permettent de façon ouverte de regarder toutes les traces de tous les micro-organismes potentiellement présents dans cette pulpe dentaire et de regarder finalement lequel est présent. C'est une deuxième, si vous voulez, approche qui conceptuellement est différente et techniquement est assez différente aussi. Séverine Yatta. Et qui plus est, Michel Drancourt, grâce à cette génomique et cette analyse grâce à l'ADN, ça, vous arrivez aussi à montrer les mutations de la bacille, de la peste. J'ai bien compris. Au cours des derniers millénaires, finalement, c'est pas à chaque fois la même bacille, le même microbe qui atteint. Voilà, qui forme l'épidémie. Oui, tout à fait. Donc les travaux qui sont les magnifiques travaux qui sont réalisés par plusieurs équipes maintenant dans le monde, en collaboration avec certains des équipes qui sont autour du micro, les travaux actuellement permettent de reconstituer le génome entier, donc la mémoire génétique complète de la bactérie Yersinia pestis dans différents charniers en Europe. Et donc à partir de là, à partir du moment où vous disposez du génome entier, vous pouvez en effet analyser les petites différences, parfois assez subtiles, qui existent entre ces différents bacilles de ces différents charniers. Donc il s'agit bien du même microbe au sens de l'espèce, c'est bien une espèce qui s'appelle Yersinia pestis, comme nous appartenons tous à une espèce Homo sapiens. Et de la même façon, si vous voulez, que bien entendu, nous sommes tous un tout petit peu différents dans la même espèce, mais de la même façon, dans les individus bactériens qui appartiennent à l'espèce Yersinia pestis, il y a aussi des individus qui sont tous un petit peu différents les uns des autres. Et donc il est possible maintenant, en reconstituant le génome entier, d'avoir une idée de ces différences, parfois subtiles, qui créent l'hétérogénéité des individus bactériens dans une seule espèce qui s'appelle Yersinia pestis. Et donc, on sait effectivement que ces travaux ont commencé maintenant il y a quelques dizaines d'années, grâce au progrès justement de vos moyens d'action en tant que médecin, en l'occurrence Michel Drancourt. Et il y a une dizaine d'années justement, Dominique Castex, qui est une des que nous avions invité, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, qui est une des grandes spécialistes de ces questions de sépulture de catastrophe, était interrogé dans l'émission de Vincent Charpentier, le Salon Noir sur France Culture. C'était en octobre 2008. Ils étaient à Rome et ils essayaient de comprendre ce qui s'était passé dans une de ces sépultures de catastrophe. Alors Dominique Castex, je résume, des corps sont apportés ici, des quantités visiblement très impressionnantes. Certains ont même été emballés dans des tissus et du plâtre, quasi momifiés, peut-être descendus ici par quelques fossoyeurs du haut de la niche que l'on voit, déposés ici absolument en rang. Mais de quoi sont-ils morts ? Alors évidemment, la question reste posée. Alors bon, le premier travail de l'anthropologue, à partir du moment où il dispose de vestiges suffisamment parlants, est de faire un bilan de l'état sanitaire pour pouvoir éliminer des traces de lésions osseuses qui pourraient donc être le témoignage de coups portés et donc le fait d'un massacre ou d'une guerre. Bon, l'état de l'os ne permet pas d'être sûr, évidemment. C'est le traitement funéraire un petit peu et la quantité des vestiges qui permettent de contredire un petit peu cette idée de massacre et du fait qu'on n'ait rien retrouvé sur les os, malgré cette mauvaise conservation, tend plutôt à nous faire pencher à une hypothèse d'épidémie, donc une épidémie infectieuse qui n'aurait pas eu le temps de développer de lésions osseuses sur le squelette. Dans ces cas-là, eh bien, évidemment, c'est aussi la répartition des âges et des sexes, la constitution de cet échantillon de population qui va nous permettre de nous renseigner sur la nature de l'épidémie. Il faudra peut-être attendre d'avoir fouillé tous ces ensembles pour en dire un petit peu plus, puisque pour l'instant, nous n'avons pas assez de données biologiques fiables. Et évidemment, l'enjeu aussi, c'est la paléobiochimie moléculaire, puisqu'on sait depuis quelques années qu'il est quelquefois possible, à partir des résidus dentaires, d'identifier des agents pathogènes responsables d'une crise de mortalité épidémique. Et c'est ce qu'on espère. Il y a eu des résultats assez récents apportés sur la présence de Yersinia pestis au cours des siècles. Et bien qu'il y ait peu de chances qu'il s'agisse d'une véritable peste, on pourra espérer une détection d'un virus de type typhus ou variole. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Et vous pouvez également écouter, évidemment, nous vous y encourageons, l'émission de Vincent Charpentier, Carbone 14, qui se tient donc tous les samedis sur France Culture entre 19h30 et 20h, où il revient très fréquemment sur ces questions, comme là, il était dans l'émission Le Salon Noir en 2008 avec Dominique Castex, qui nous parlait de paléobiochimie moléculaire. Sacha Kaki, vous travaillez avec Dominique Castex en tant qu'anthropologue en anthropologie biologique. Toutes ces questions qui sont liées à la détermination des causes de la mort sont très importantes, mais aussi permettent de réfléchir à la société qu'il y a autour de ces morts. Est-ce que cette société, comme le disait tout à l'heure Stéphane Zorzi, est une société qui a été paniquée par cette mort? Est-ce qu'elle a touché est-ce que cette épidémie, par exemple, de peste a pu, à un moment ou à un autre, toucher une société déjà malade, déjà affaiblie par les guerres ou par des conflits, ou est-ce qu'au contraire elle a touché une société en bon état sanitaire, par exemple? Ce sont des questions que vous vous posez vous-même en tant que chercheur, c'est ça, Gaki? Tout à fait. Alors ça a été une des questions principales que j'ai abordées dans le cadre de ma thèse de doctorat et qui s'intéressait en fait à déterminer dans quelle mesure l'état de santé préexistant des populations européennes au moment de l'arrivée de la peste noire au milieu du XIVe siècle a pu influer sur la grande mortalité qui en a résulté, dont on ne comprend encore que partiellement la cause. Il y a eu finalement assez peu de travaux sur la question de l'état sanitaire préexistant des populations et l'impact que cela a eu sur la mortalité, limité à l'étude d'un unique cimetière à Londres. Et pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette question, j'ai étudié un large corpus de sites européens en m'intéressant environ à 500 des marqueurs de l'état de santé pour déterminer cet état sanitaire de fond, en fait, et voir son influence. Et justement, pour contredire aussi des hypothèses, parce que c'est cela aussi la recherche, c'est de partir d'hypothèses qui ont été émises par vos prédécesseurs et qui, par exemple, présupposaient un risque différentiel de mort et de létalité selon l'état de santé préexistant des individus, et de dire, tout compte fait, quand on observe ces 500 squelettes pris dans 4 sites funéraires de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne touchés par la peste dite grande peste noire, eh bien cette affection Yersinia pestis n'a pas eu de prédilection sur ni le niveau social, ni le sexe, ni l'âge des personnes, plus ou moins. Effectivement. Alors sans avoir eu le but premier de contredire les travaux précédents, le but en fait était de tester des hypothèses qui avaient été émises sur la foi de l'étude d'un unique site. Et donc en élargissant à plusieurs sites, le but était de voir si cette sélectivité elle était effectivement retrouvée pour ces autres sites. Donc si l'hypothèse de départ était valable et si elle était applicable à tous les contextes. Donc j'ai étudié des sites du XIVe siècle, du XVIe siècle, pour voir également s'il y avait une différence entre les contextes chronologiques et géographiques, en étendant cela à différents pays européens. Et mes résultats ont contredit ceux de l'étude précédemment menée, en montrant que le sexe, en l'occurrence, n'avait pas eu d'influence majeure, puisque les individus masculins comme féminins sont représentés de façon relativement égale dans ces cimetières de pestiférés, que l'âge n'a pas non plus constitué un facteur déterminant, et que en fait toutes les classes d'âge de la population mouraient de la même manière de la peste, ce qui n'est pas le cas en contexte de mortalité naturelle, où en fait les individus les plus faibles vont avoir tendance à mourir, donc en particulier les jeunes enfants et les personnes âgées. Au contraire, la peste a entraîné une mortalité relativement uniforme dans toutes les classes d'âge. Et sur la question de l'état de santé, en comparant avec des populations, des cimetières constitués hors contexte de crise épidémique, pour lesquels on se rend compte que ces lésions squelettiques indicatrices de l'état de santé vont être corrélées à l'espérance de vie des individus, on ne retrouve pas, au contraire, cette corrélation dans les contextes de peste, ce qui tendrait à prouver que la maladie causée par le bacille Yersinia pestis a entraîné une mortalité uniforme, aussi bien chez les individus qui avaient déjà souffert de maladie que chez ceux qui bénéficiaient d'un bon statut, d'un bon état sanitaire. Et est-ce que vous pouvez, donc justement, grâce à l'analyse des squelettes dans ces tombes, Sacha Kaki ou Stéphane Stortis, déterminer aussi si la peste atteint de la même manière les classes sociales? Parce que, justement, il y a plusieurs types de tombes funéraires, de sépultures. Vous l'analysez tous enfin, très bien, des sépultures multiples, mais aussi des sépultures individuelles, où on peut analyser aussi par rapport à la position des corps dans ces tombes, et qui peuvent dire quelque chose, nous donner un indice sur, en tous les cas, l'appartenance sociale potentielle du mort. Sacha Kaki, puis Stéphane Sortis. Vaste question, hein, mais... Oui, vaste question. Alors sur la question de l'appartenance sociale, du statut social des individus, en fait, c'est quand même quelque chose qui reste assez délicat à déterminer. Dans les contextes archéologiques, c'est souvent quelque chose qu'on va inférer à partir du mobilier associé aux individus. Mmh. Mobilier qui est totalement absent pour les époques qui nous concernent et plus généralement relativement peu fréquent dans les contextes de crise de mortalité. Bien sûr. Où on a justement une désorganisation de ces pratiques funéraires traditionnelles. En ça, l'état de santé est quand même assez intéressant puisqu'il il y a une corrélation, même si elle n'est pas stricte et unique, entre l'état de santé et l'appartenance à certains groupes sociaux plus ou moins aisés, puisque ça va être lié à l'accès aux ressources alimentaires, l'accès aux soins éventuellement. À l'hygiène, etc. Donc ça peut constituer en partie un proxy, en fait, pour déterminer si certains groupes sociaux ont été plus touchés. Si ça avait été le cas, on s'attendrait potentiellement à avoir de fortes fréquences de certaines lésions pathologiques qui se rencontrent dans les classes les plus défavorisées des populations. Pour ce qui concerne la deuxième partie de votre question, plus spécifiquement liée aux positions d'inhumation, je ne pense pas que dans les contextes de crise, malheureusement, cette position puisse nous renseigner sur les statuts sociaux dans la mesure où les positions vont être principalement conditionnées en fait par la nécessité d'inhumer rapidement les individus, peut-être sans égard particulier. Ça peut dépendre des contextes, je pense, mais sans grand égard, en tout cas pour leur rang social, la classe sociale dont ils dépendent. Et Stéphane Zorzi, c'est d'ailleurs ce que vous avez pu noter à Martigues dans cette fouille de sépultures de catastrophe donc liée à la peste de 1720-1721, et vous avez pu comparer justement par rapport au texte qui est évoqué justement cette mort de masse, pourrait-on dire, liée à cette peste dite de Marseille, la grande peste de Marseille, dans cette ville de Martigues. On a jeté les corps par tombereaux entiers, pourrait-on dire. Est-ce qu'on sait s'ils étaient de classes sociales différentes? C'est difficile à dire. Oui, tout à fait. Je rejoins complètement ce qu'a dit Sacha. Il faut faire une nuance, en fait, entre la peste en tant que danger et la peste en tant que risque danger. Tous les individus, quelle que soit la classe sociale, sont potentiellement affectés par ce danger. Après, le risque, c'est est-ce qu'on peut se prémunir ou pas. Et ceux qui peuvent se prémunir, ce sont éventuellement ceux qui ont la possibilité de s'éloigner, de s'isoler, donc par exemple des notables dans leur bastide, mais ça ne vaut souvent que pour un temps. Parce qu'une bastide a été brûlée, par exemple, expliquez-vous, avec 5 cadavres à l'intérieur, parce qu'ils étaient tous atteints et morts de la peste. On a brûlé la bastide. C'est un des rares cas que vous avez pu noter dans le cas de cette peste de Martigues, mais enfin, c'est un cas avéré, en l'occurrence. Oui. Tout à fait. Et en l'occurrence, donc, en 1720, les élites restent sur place, puisque les élites restent donc à leur poste pour gérer la crise, ce qui est aussi un révélateur aussi de l'état de solidité des institutions par rapport à certaines périodes antérieures. Et effectivement, ce qui a pu être noté pour Martigues, puisqu'à Martigues on dispose de documents sur la population, les registres de sépulture, donc l'enregistrement des décès. Et on a pu constater effectivement que la structure de la population avant et après la peste ne différait pas. C'est-à-dire qu'effectivement, même si la population est amoindrie, la ponction démographique se fait dans toutes les classes sociales et dans toutes les catégories d'âge, quel que soit le sexe. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la composition de l'échantillon paléodémographique qu'on a dans les charniers de peste, c'est-à-dire que on n'a pas un reflet de la mortalité vivante avec donc des squelettes qui représenteraient les plus âgés, éventuellement des squelettes qui représenteraient les classes d'âge les plus jeunes, mais au contraire, donc on a un échantillon qui reflète ce qu'est une population vivante donc dans ce début du 18e siècle. Donc là aussi. tant que lire, la chose est positive. On ne sait pas quand il arrivera, mais on sait qu'il arrive. L'alcoolira qui arrive, de l'une à l'autre rive, tout le monde en crèvera. L'alcoolira qui arrive, de l'une à l'autre rive, tout le monde en crèvera. Les pharmaciens vont répétant, il vient, la chose est sûre. Achetez-nous du désinfectant, du sulfate des chlorures. L'alcoolira qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera. L'alcoolira qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera. On rassemble les capitaux pour fabriquer des bières. On vendra des cercueils en gros à la porte des cimetières. L'alcoolira qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera. L'alcoolira qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera. Tous les matins, avant midi, dans une immense fosse, on apportera des refroidis qu'on empilera par grosses. L'alcoolira qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera. L'alcoolira qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera. Voilà donc V'là le choléra, un titre d'Aristide Bruant en 1889, interprété ici par Stello en 1935. Et mon camarade Vincent Charpentier m'excusera d'avoir annoncé son émission à l'horaire qui était l'horaire ancien du Salon Noir. Évidemment, le Carbone 14, c'est le dimanche entre 20h30 et 21h. Et il faut bien évidemment l'écouter pour pouvoir savoir quelles sont les actualités de la recherche en archéologie. Michel Drancourt, si vous travaillez en tant que médecin sur ces questions, j'imagine que c'est que vous êtes intéressé par la relation entre le passé et le présent. Vous êtes un médecin, vous travaillez évidemment sur les questions épidémiques aujourd'hui. Qu'est-ce que vous apprennent vos travaux justement sur les épidémies anciennes et en quoi cela nourrit-il votre questionnement, pourrait-on dire, en tant que médecin d'aujourd'hui ? Mais si vous voulez, ces travaux de paléomicrobiologie avec les anthropologues et les historiens nous permettent de reconstituer des scénarios épidémiques que l'on n'a pas... dont on n'a pas connaissance aujourd'hui. En pratique, aujourd'hui, la peste est comprise comme ce que l'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une maladie des hommes que l'on contracte au contact des animaux, et on a tous en tête l'image du rat, bien entendu, rat de ville, rat des champs, et puis d'une puce qui va transmettre la peste depuis le rat aux populations. Et donc ce schéma est exact. Mais ce schéma-là, il ne résume pas les possibilités de la peste. Et donc si l'on y réfléchit sur la peste à Marseille en 1720, eh bien, je parle sous contrôle de mes collègues qui sont au micro, mais on peut estimer que la mortalité a pu atteindre 50% en quelques mois. Donc c'est quelque chose d'absolument inimaginable, hein, d'avoir une population d'une grande ville comme ça, dont la moitié disparaît en quelques mois. Et donc si l'on y réfléchit, eh bien, ce scénario du rat, de la puce et d'une mortalité de 50%, ça ne tient pas, ça n'est pas possible. On a donc été amené à réfléchir et à imaginer d'autres possibilités, et pour aller très très vite, ce que l'on a fini par comprendre, c'est que la peste pouvait également être transmise de personne à personne par ce que l'on appelle les ectoparasites des gens, pour parler clair, les poux de corps, les poux de tête. Et donc on a plusieurs lignes d'évidence, si vous voulez, au laboratoire, qui nous laissent penser que ce scénario est exact. Et alors là, c'est important, c'est intéressant de comprendre cela, parce que ça peut être tout à fait opérationnel. Vous savez que la peste, malheureusement, touche toujours des populations dans certaines régions du monde. Elle est endémique à Madagascar, par exemple. Elle est endémique à Madagascar, et elle frappe régulièrement certaines parties de la République du Congo, par exemple. Et dans ces régions-là, eh bien, vous avez ce trio infernal, si je puis dire. Alors, infernal, ça n'est pas le mot appliqué aux populations, mais ensuite, vous avez la peste, c'est bien infernal, et vous avez des poux de corps. Donc vous voyez, cette connaissance nouvelle que l'on a de l'épidémiologie de cette maladie au travers des travaux de paléomicrobiologie doit pouvoir être fonctionnelle, l'idée étant que si l'on veut maîtriser rapidement une épidémie de peste actuellement dans des populations exposées par ailleurs aux poux de corps, eh bien il faut maîtriser également les poux de corps, ce qui est quelque chose que l'on sait faire assez facilement par ailleurs. Ça veut donc dire que cette étude d'une maladie ancienne et d'une épidémie ancienne nourrit vos connaissances d'aujourd'hui et permet des préventions qui n'étaient pas applicables ou appliquées auparavant parce qu'on ne savait pas justement cette transmission par les poux de corps de la maladie de la peste. Oui, en réalité, pour être extrêmement honnête, et c'est le mot qui a été employé tout à l'heure, souvent dans ce domaine de la peste, nous redécouvrons. Et nous redécouvrons parce que c'est ce que je viens de dire a déjà été écrit par nos grands prédécesseurs. Et donc, si l'on se penche, nous aussi, sur les archives des documents médicaux et des documents scientifiques qui ont été publiés au cours des 100 dernières années, eh bien on voit que ce scénario que je viens d'indiquer a déjà été publié en réalité. On a un problème, qui est un problème de fond hein, dans nos différents métiers de science, qui est l'accès aux données publiées un peu anciennes, et singulièrement l'accès aux données publiées anciennes dans des langues différentes de l'anglais. C'est comme ça. La langue de communication scientifique est l'anglais, et les textes anciens qui ne sont pas en anglais sont très très mal référencés, très mal notés dans les bases de données d'articles scientifiques. Et donc on est amené de temps en temps, et c'est vraiment le cas pour la peste, à redécouvrir. Et ce que je viens de vous dire concernant les poux de corps avait déjà été étudié en 1940, par exemple au Maroc, par l'équipe de Monsieur Balthazar, qui est un grand monsieur dans ce domaine. Donc en réalité, il avait déjà décrit cela, et puis sa découverte finalement a été tombée un petit peu aux oubliettes parce qu'il a le malheur, en quelque sorte, enfin pas le malheur, il a publié cela en français dans une petite revue, entre guillemets, donc c'est tombé un petit peu... C'est curieux d'entendre dire que... Dans les oubliettes. c'est curieux d'entendre dire à un chercheur français, donc travaillant exactement en français, qu'effectivement, une documentation en français ancienne est moins consultée qu'une documentation en anglais, c'est amusant. Ça semble paradoxal, mais ça ne l'est pas. Alors, on sort peut-être un tout petit peu du strict cadre qui nous réunit avec vous ce matin, mais c'est intéressant de le comprendre quand même. Encore une fois, la langue de communication qui s'est imposée dans nos métiers, c'est l'anglais. Et donc, du coup, vous publiez évidemment en anglais, et en pratique, les revues qui publient les articles sont des revues également anglaises ou américaines, et qui vont avoir beaucoup, beaucoup de difficultés, si vous voulez, à publier, y compris si vous référencez, vous, des textes en français. Mm-hmm. Je ne sais pas si je suis clair, mais vous voyez, c'est difficile pour une revue anglo-saxonne de publier un article qui est basé lui-même sur des textes en russe ou des textes en russe. Je ne mentionne ça pas par hasard parce qu'il y a une littérature russe écrite en russe extraordinaire sur la peste, où là aussi il y a une très grande connaissance de du microbe et de la maladie qui est tombée aux oubliettes simplement parce que c'est écrit en russe. C'est vrai, donc c'est une difficulté de notre métier, en quelque sorte. Et le fait, Michel Drancaud, que vous ayez identifié pour revenir sur ces souches différentes de la peste, donc antiquois, médiévalistes, orientalistes, enfin, qui reprennent un petit peu les trois grandes pandémies, bon, pour les anthropologues, pour les archéologues, pour les historiens, qu'est-ce que ça a généré ou qu'est-ce que ça a changé dans la manière d'appréhender, justement, ces trois types, ces trois pandémies, dans leur différence, finalement. Oui, si vous voulez, ce que l'on comprend, encore une fois, c'est du domaine de l'épidémiologie. Et donc, ce que l'on apprend tous ensemble, avec les historiens, les anthropologues et nous, ce que l'on apprend ensemble, c'est à remettre en place des scénarios épidémiologiques qu'aucun d'entre nous n'a vu et ne verra peut-être, mais qui sont importants à connaître. Et donc, dans ces scénarios épidémiologiques, comme vous le dites, la variation des microbes est un point important, et c'est un thème qui est extrêmement moderne, que vous évoquez là dans notre métier, qui est de comprendre qu'en réalité, à l'intérieur d'une espèce, comme je le disais, les individus sont tous plus ou moins, enfin peuvent être tous plus ou moins différents, et ce qui participe de cette différence, c'est ce que l'on appelle dans notre métier à nous des clones. Donc à l'intérieur d'une espèce Yersinia pestis, l'idée que l'on a actuellement, c'est qu'à un moment, il y a un clone, donc un variant particulier de la même espèce qui surgit dans un endroit du monde. Pour ce qui concerne la peste, ça se passe beaucoup autour des plateaux de Mongolie, hein, tout ça au départ. Et puis ce clone va avoir un avantage quelconque en termes de transmission. Et ce clone va se mettre à se propager, par exemple, des plateaux de Mongolie vers l'Europe, pour ce qui nous concerne, mais vers d'autres parties du monde. Donc c'est une signature particulière, pourrait-on dire. Oui, exactement. Donc, si vous voulez, ce clone, probablement, en réalité, de mon point de vue, ne présente pas une virulence particulière, mais c'est plus probablement une capacité de transmission. Mmh. Un point important quand même dans les maladies infectieuses épidémiques mortelles, c'est la capacité à se transmettre, éventuellement à se transmettre rapidement d'une personne à une autre. Et donc, vous voyez, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En réalité, ce que l'on comprend, c'est que certains clones, par exemple, ont la capacité à être transmis de personne à personne par l'époux de corps, pour dire le mot simplement, alors que peut-être d'autres clones ont peut-être moins cette capacité. Donc, ça dit donc, des choses sur la virulence, sur la contagiosité. Ça dit des choses sur la contagiosité. Sur la contagiosité, plus que sur la virulence. Mm-hmm. Et vous voyez, ce que je vous dis, ça rejoint exactement ce qu'ont dit mes deux jeunes collègues tout à l'heure. Ils ont dit, finalement, cette bactérie de la peste, eh bien, elle tue de façon quasiment indifférenciée les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les riches, les pauvres, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, la virulence, bon, c'est quelque chose d'établi. Si l'on injecte, entre guillemets, de la Yersinia pestis dans le sang de quelqu'un, il va décéder de peste avec une mortalité probable de 85%, quelque chose comme ça, qu'il soit jeune ou vieux. Donc la question, c'est pas la virulence intrinsèque du micro-organisme. La question pour moi, c'est les modes de transmission et la façon dont il se répand rapidement dans une population. Stéphane Zorzis et Sacha Kaki pour réagir à ce que vient de dire Michel Drancourt. Stéphane Zorzis. Oui, effectivement, donc, travailler sur des schémas épidémiologiques pour lesquels on n'aurait pas de référents historiques et pour lesquels on aurait évidemment dans les archives des explications ou des théories qui sont très imparfaites, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Et effectivement, pour comprendre aussi à un moment donné, au-delà des aléas de l'histoire et en particulier des aléas concernant la prévention, je parle pour les épidémies de peste 1720 où il existe à Marseille tout un système préventif qui est éprouvé de longue date. Au-delà de ces aléas-là de la prévention, plus ou moins bien appliqués ou plus ou moins bien respectés, effectivement, l'émergence de souches qui auraient des possibilités de se répandre beaucoup plus facile ou nouvelle, c'est quelque chose pour nous qui est fondamental de connaître, bien entendu. Sacha Kaki, sur ce point. Oui, alors là, je vais parler sous le contrôle de Michel Drancourt, mais effectivement, pour revenir un petit peu sur les aspects génomiques, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées ces dernières années. On commence à avoir un certain nombre de génomes complets de ces souches bactériennes, en particulier pour le XIVe siècle, pour la peste noire. Ouais. Et effectivement, ces différents génomes, ils ont montré en fait l'absence totale d'altération au niveau des facteurs de virulence. Donc ça veut dire, comme le disait Michel Drancourt, qu'il faut chercher les raisons de la très forte mortalité qui a été imposée par cette première épidémie de la seconde pandémie. Il faut les rechercher ailleurs, effectivement, dans la transmissibilité de cette maladie entre personnes. Et ça, c'est vraiment des sujets qui sont très très importants et sur lesquels on se penche et pour lesquels on va pouvoir faire intervenir les différentes disciplines, différentes approches en fait. Une approche qui pour l'instant est peu développée, mais il y a un projet que nous avons actuellement en cours avec Monsieur Drancourt, qui serait de tenter de retrouver ces ectoparasites vecteurs potentiels de la transmission dans les sédiments contenus dans les sépultures de pestiférés, peut-être ainsi de démontrer quelles étaient les espèces d'insectes en fait qui ont été responsables de cette diffusion. Ouais, ce qui est quand même extrêmement intéressant, en l'occurrence, Sacha Kaki, c'est que vous levez des hypothèses, vous écartez des hypothèses qui étaient des hypothèses qui étaient généralement celles qu'on apprenait en cours d'histoire. Si la peste, la grande peste de 1348-1350 avait été aussi mortelle pour l'Europe en particulier, disait-on, c'était à cause de l'état sanitaire des populations. On mettait en cause effectivement les guerres qui se développaient dans cet espace géographique à cette période-là. Et puis, de l'autre côté, la question de la virulence de ce virus. Et vous dites, ben, écoutez, ni l'une ni l'autre des deux hypothèses ne serait à l'origine de la propagation si rapide de cette grande peste, par exemple. Tout à fait. C'est vrai que les données qui sont accumulées ces dernières années ont tendance à démontrer que ce n'est pas du tout parce que ces populations, elles avaient un état de santé particulièrement dégradé, qu'il y a eu une mortalité telle pendant la peste noire. Mmh. Donc il y a différentes pistes à à explorer la question éventuelle d'une susceptibilité génétique à la peste peut également se poser, et peut-être que la diminution consécutive à la peste noire de la mortalité dans les épidémies ultérieures est également liée à une sélection des génomes humains les plus résistants face à cette maladie. C'est aussi des travaux qui sont en cours, balbutiants pour l'instant, et qui mériteront d'être menés dans les années à venir, je pense, pour essayer aussi de déterminer, d'une part, s'il y avait une susceptibilité particulière des individus face à la maladie au Moyen-Âge, et d'autre part, comment cette grande épidémie de peste du XIVe siècle, qui a tué peut-être 30, 50 ou 60% de la population en l'espace de quelques années, a aussi modifié le patrimoine génétique des populations dans les décennies suivantes. Et c'est cela aussi, Michel Drancourt, qui est intéressant, c'est que hier on nous expliquait effectivement que les différentes vagues de la grippe espagnole ont été peut-être dues au fait que le virus a varié pendant cette période entre 1918 et 1919, c'est-à-dire que vous êtes toujours en train de courir après un virus qui lui aussi évolue au fur et à mesure de la résistance des populations et de la capacité de ces populations à résister à ces attaques. Oui, tout bouge hein, dans ces histoires-là, si vous voulez. Donc le microbe, effectivement, a une certaine capacité à évoluer et à bouger. Donc ça, c'est un facteur qu'il faut considérer. Et puis, les populations elles-mêmes bougent. Alors, elles peuvent dériver génétiquement, c'est une chose, mais elles bougent dans leur comportement. Et je suis toujours intéressé lorsque les historiens me portent des textes qui décrivent la prise en charge finalement des épidémies de peste à Marseille, notamment par les édiles, comme l'on disait. Et très rapidement, il y a un point qui est tout à fait intéressant pour moi, qui est qu'au départ, des épidémies de peste, et c'est assez caricatural ce que je veux dire, au départ de ces épidémies de peste, eh bien, la population vivante prend en charge assez facilement, dans le fond, les cadavres, les morts, pour les enterrer dans ces fameux charniers de catastrophe. Et puis, au fur et à mesure, cette sorte d'enthousiasme, si j'ose dire paradoxal au départ, diminue, et de façon extrêmement intéressante. Eh bien, ça diminue au fur et à mesure du fait que les populations se rendent compte elles-mêmes que d'être en contact avec les corps des morts de peste, ça attire la peste. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et rapidement, on voit s'installer la pratique du feu que vous avez indiqué tout à l'heure sur la Bastide à Martigues. Et rapidement, on se met à brûler ce que l'on appelle souvent dans les textes anciens les hardes, c'est-à-dire finalement les vêtements et la literie. Oui, ça, c'est un point très très intéressant de mon point de vue. Parce que ça doit nous apprendre quelque chose, ça, et donc là aussi, ça devrait nous apprendre que, en effet, une partie importante de la transmission se faisait par les hardes et par la literie. Et donc ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, un certain nombre d'ectoparasites d'hommes ou en contact direct avec l'homme dans la transmission. Et donc c'est comme si, sans avoir la connaissance microbiologique, puisqu'elle est venue bien après, mais les personnes en charge l'avaient compris, encore une fois, que le fait d'être en contact avec les corps, les hardes et la literie, c'était pas bon du tout. Donc il fallait prendre des mesures là contre. Séverine Yatta, très brièvement. Ça veut dire qu'en tous les cas, dans vos recherches, chacun... vous, Michel Drancourt, Stéphane Strotsis ou Sacha Kaki, c'est qu'il y a cette question du génomique, de la biologie, mais ça veut pas dire que vous sous-estimez tous les facteurs qui concernent, par exemple, l'apprentissage des sociétés vis-à-vis de cette maladie, parce que il y a la peste noire, certes, mais ces sociétés, elles vont apprendre des choses qui feront que cette peste ne sera peut-être pas aussi virulente et aussi grave au XVIIIe siècle, par exemple. Très brièvement, Michel Drancourt, très très brièvement. Si vous voulez, un peu pour conclure, il y a deux aspects de ces travaux que l'on cherche. C'est le prototype de ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Mais là, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment ensemble entre des champs qui spontanément ne se rencontrent pas. Il y a l'histoire, il y a l'anthropologie, la microbiologie. Et donc, on travaille vraiment ensemble au travers de l'échange de matériel biologique, l'échange d'idées, l'écriture ensemble d'articles, l'échange d'étudiants, ainsi de suite. Et puis, une deuxième dimension qui est quand même importante, qui est la dimension ludique. En réalité, quand on fait ça, on s'amuse beaucoup. En tous les cas, moi, je m'amuse beaucoup. Contribuer à comprendre et à résoudre ces épidémies de peste, ça m'amuse beaucoup. avoir contribué à résoudre la mort du Caravage récemment publié. Ce sont des choses extrêmement amusantes, oui. Donc on s'amuse beaucoup en réalité intellectuellement. Bah, il faut dire effectivement que effectivement ce type de recherche est aussi une façon d'exciter sa propre curiosité. Merci à tous les trois. Merci à vous, Michel Drancourt, Stéphane Zorzis et Sacha Kaki. Demain, nous concluons notre série sur les épidémies avec votre documentaire, Séverine Attard, réalisé par Marie-Laure Ciboulet, très brillamment. Oui, sur Sisteron, au moment de la peste, de la grande peste de Marseille, justement. Et donc avec Irène Magnodex, qui est une historienne locale et qui a travaillé sur les archives de Sisteron en particulier. Et puis Régis Bertrand, que vous connaissez, qui est un historien d'ex-Marseille Université, qui a travaillé sur la peste de Marseille, bien sûr. Et qui était, je crois, d'ailleurs, dans un des jurys, celui de Stéphane Zorzis pour sa thèse. On écoute un extrait de ce documentaire demain. Alors, le grand Saint-Antoine était venu depuis le Levant et en particulier, il a assez longuement séjourné à Saïd, aujourd'hui Saïda, qui était infecté par la peste. C'est là vraisemblablement qu'il a chargé les textiles, en particulier des soieries précieuses, qui devaient contenir des puces. Ensuite, au cours de la traversée, il y a un certain nombre de décès et de décès suspects. Ce qui est assez frappant, c'est que sur le registre, Monsieur Tirant, l'intendant sanitaire de service, commence à écrire que le grand Saint-Antoine venant de Saïd, et puis il écrit avec patente et ibar. Et il n'y a aucune indication de patente sur le procès-verbal. Donc, très vraisemblablement, on a pris des risques. Puisque Dieu, par un effet de sa bonté, donne le temps à cette ville de se précautionner, la prévoyance étant la mère de sûreté, sur ce principe, il est de la prudence de messieurs du bureau de regarder la maladie contagieuse comme une chose qui doit arriver. Évidemment, les premières mesures vont être de filtrer les allées et venues. Donc on va fermer les portes de la ville, ne conserver que les deux principales, plus ou moins ouvertes. On va installer des corps de garde, on va lever une garde bourgeoise. Rapport des médecins chirurgiens de Sisteron, le 26 août 1720. Nous, Alexandre Sias et François Nasse, docteurs en médecine résidant en cette ville de Sisteron, disons que par ordre de messieurs les intendants du bureau de santé établi en cette ville, nous nous sommes portés avec maître Louis Chay pour voir, visiter et examiner le cadavre du nommé Henri Bourrely, mort ce jour dans la bastide du sieur Joseph Gastinel, bourgeois de cette ville, lequel Bourrely était un de ceux qui faisait quarantaine dans le dit endroit. La seconde mesure va être de faire cesser les tanneries, tout simplement parce qu'on pense que la peste est dans l'air et que les miasmes sont très favorables à la peste. Et on va commencer à prendre des mesures pour nourrir les gens en prévision de ce grand moment de clôture. Voilà donc un extrait de ce documentaire de demain signé Séverine Ignatard et Marie-Laure Ciboulet sur la peste de 1720 à Sisteron. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marsay et Céline Leclerc. Nicolas Delmas nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation.